C'est le commentaire de malade à notre ami Phil Desgagné. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, Rusty Staub, écoute, moi je l'ai très peu connu. Je l'ai connu à la fin de sa carrière, vraiment à la fin, probablement ces deux dernières années où il était frappeur suppléant avec les Mets de New York. Mais moi ce qui m'impressionne dans le concert de Rusty Staub, c'est que le gars, comment il a laissé sa marque à Montréal, puis il a joué juste 3 ans plus une demi-saison 79. Exact, t'as raison, t'as parfaitement raison. C'est impressionnant quand tu parles de ça, là. 3 ans, c'est pas gros là, dans la carrière. Là. Non, effectivement, c'est pas gros, sauf qu'il y avait un charisme assez impressionnant. Là, ouais. Par la façon de se présenter, la façon également qu'il s'est impliqué dans le milieu, les efforts qu'il a fait pour apprendre le français. Il est arrivé à Montréal, c'était la première grande vedette qu'on avait, là, vraiment. Là, ouais. Il arrivait ici, puis c'est un joueur qui immédiatement s'est démarqué. Mais je pense que c'est son implication au niveau social où il est devenu très sympathique auprès des gens, ce qu'on n'était pas habitué de voir. Tu sais, un anglophone qui vient à Montréal, autant chez les joueurs du Canadien que... tu sais, on n'a pas connu des tonnes de professionnels qui sont venus à Montréal, comme Bob Gainey, qui, lui, s'est trouvé une façon d'apprendre le français et d'être capable de le parler. Autant, la même chose du côté du Grand Orange. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est ce qui a fait que il est devenu rapidement populaire. Deux, c'est un bon joueur également. Il faut admettre qu'il a donné quand même de bonnes années aux Expos le temps qu'il est là. Ouais. La transaction qu'on a envoyé avec les Mets de New York, là. Ouais. Puis il n'y a pas que les Expos ont obtenu quand même de beaucoup dans la transaction. Ken Singleton est devenu un très, très, très bon joueur de baseball. Mark Johansson également. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui avait marqué, je pense, son passage à Montréal. Puis quand il est revenu, oui, il est peut-être en fin de carrière, mais à Montréal, on avait besoin d'un joueur vedette, d'un joueur connu, que la population s'était accrochée. Et moi, personnellement, je pense que... Puis à chaque fois qu'on se rappelle, depuis que le baseball est parti, il y avait un événement où il y avait quelque chose à Montréal. Staub était toujours un gars qui était à répondre présent pour les gens des Expos de Montréal et pour les partisans de baseball. Donc, je pense que ça, c'est une marque qui, lui, est propre. Et que les gens ont gardé en souvenir, ça, il n'y a aucun doute. Phil, moi, Jacques Doucet me contait hier que Ross, en 1979, lorsqu'il est revenu il anime une ligne ouverte dans les amateurs de sport réseau. Et une personne l'appelle, puis finalement, Jacques dit à Rusty, il dit, je vais te traduire ce qu'il a dit. Il dit, non. Là, il commence à lui parler en français. Donc, 6 ans après son départ, il avait même pas oublié son français. Il dit, ça m'avait terriblement marqué, là. Ah non, écoute, puis c'est un gars qui était prêt des médias, qui était toujours prêt à répondre. Tu sais, il y a des joueurs qui sont comme ça. Tu vois chez le Canadien, je regardais Gallagher l'autre soir. Ouais. Il est toujours prêt à répondre. Bon temps, mauvais temps, il est prêt à répondre aux journalistes. Il passe pas à côté des questions. Il répond aux vraies réponses. Et je pense que c'est un peu ce qui est arrivé avec le Grand Orange. Donc, lui aussi, il répondait. Il était disponible pour les médias. Il était capable de faire face à la musique. Et ça, je pense qu'on ne peut pas lui enlever. Alors que d'autres vedettes, et on n'en nommera pas parce que les gens vont peut-être dire « Ah, il est anti-ci, anti-ça », sauf qu'il y en a d'autres, c'est très difficile d'approche, ils répondent pas souvent aux questions, quand ça ne fait pas leur affaire, ils font presque une baboune, puis ils revirent d'abord. Mais c'était pas le cas de Rusty Staub. Staub était un gars qui était toujours prêt, il était ouvert aux questions, prêt à répondre, et deux, il était performant aussi. Il y a un couple des Expos, les bonnes années où il était à son summum. Il était disponible, il était prêt à répondre aux questions, puis il était capable de bien performer sur le terrain. Puis ça, les gens s'en rappellent très, très bien. Phil, Donald Beauchamp a quitté hier. C'est pour les gens qui se posent des questions, Donald Beauchamp, c'est celui qui s'occupe des médias. Donc, vice-président affaires publiques. Oui, effectivement. Effectivement. Penses-tu que ça va changer? Parce qu'à Montréal, écoute, les journalistes se plaignent énormément que les joueurs ne sont pas accessibles, que... je pense qu'à un moment donné... tu sais, ça a changé beaucoup, hein. Je me rappelle dans le temps de Serge Chavard, il y avait des émissions, des lignes ouvertes, les joueurs participaient aux lignes ouvertes, puis ainsi de suite. Là. Mais il y a une chose qu'il faut regarder. Moi, je connais Donald depuis qu'il jouait junior quand j'ai arbitré. Okay. Il était gardien de but avec les Draveurs de Trois-Rivières. Donc, moi, je connais Donald depuis ce temps-là. Mais il faut admettre que le traitement médiatique au niveau des médias est très différent de ce qui se faisait il y a 15 ou 20 ans. Exemple, dans les bonnes années de Bertrand Raymond, Régent Tremblay, Yvon Pedneau, ils étaient trois avec un ou deux anglophones qui suivaient le Canadien. Mm. Okay? Donc, ces gars-là voyageaient même à bord de l'avion avec les joueurs. Donc, c'était une relation de proximité qui existait entre les médias et les joueurs. Mais avec le temps, il est venu un certain moment où on a empêché les médias de voyager à bord des avions. Là, il est devenu... Maintenant, ils devaient tout régler leurs propres affaires. Il y avait également des points de presse et des joueurs étaient désignés. Mais il faut admettre que avant, il y avait 3-4 journalistes. Maintenant, tu sais comme moi, Danny, tu vois une conférence de presse, il y en a 15, il y en a 18, il y en a 10, il y en a 12. Il y en a plus qu'au gouvernement du Québec qui suit de près le Canadien de Montréal. À ce moment-là, tu peux pas faire de l'information et traiter les journalistes de la même manière, parce que si tu fais ça, avec, exemple, Marc Denis qui toujours était Canadien, Renaud Lavoie qui est toujours avec TVA, qui est toujours près de l'équipe, Chantal Maccabé, à partir de ce moment-là, les autres journalistes vont dire hey, parce que lui, il y a un gros, plus gros média, lui, parce qu'il est plus près, vous le traitez de manière différente. Donc, on ne peut plus se permettre de faire de l'information et de répondre aux questions des médias de la même façon qu'il y a quelques années. Ça a changé avec le temps. Deux, c'est devenu une business. Parce que le Canadien, là, il remplit 8 pages du Journal de Montréal, remplit plusieurs heures par jour pour TVA Sports, plusieurs heures par jour pour RDS, et les stations de radio à Montréal, ce n'est que pour le Canadien de Montréal. Donc, à ce moment-là, Donald Beauchamp a dû s'ajuster pour faire ce qu'il y a à faire. Et deux, quand il n'y a pas de résultat, tu sais comme moi, Danny, on cherche des histoires. Qu'est-ce que... Les médias, là, le chef de pupitre qui a eu téléphone à son journaliste, là, le journaliste dit, il n'y a rien, il ne se passe rien. Comment, rien? T'as deux pages à faire, trouve quelque chose, là. Ben oui. Ben oui. À ce moment-là, il fait quoi, tu penses, toi? Il crée des histoires, il cherche des choses. Il invente des choses aussi. Exact. C'est pour ça que c'est de plus en plus difficile de signer des joueurs autonomes qui viennent à Montréal à cause de la couverture médiatique, là. Tu sais, je regarde... Tu sais, hier, je donne un exemple très, très, très précis. Hier, on demande à Carey Price, vois-tu, au championnat du monde. Je m'occupe de ma famille. Je veux rester avec ma famille. Il y a quelqu'un d'un média qui a dit, « Hey, dans les 12 derniers mois, il a été 6 mois avec sa famille. Il aurait pu prendre un mois pour s'occuper de... » Tu sais, la façon de voir du journaliste. Le joueur voit peut-être ça d'une autre façon. Puis j'écoutais Danny Dubé qui disait, moi je le sais, il dit, « Je suis allé au championnat du monde. J'ai coaché là-bas. Les joueurs viennent un peu en vacances, éliminés, ils veulent... » Mais il dit, « Nous, les coachs, là, on joue une carrière. Il faut performer. Il faut donner... Je suis sous la loupe de... certains DG. Peut-être que je vais me trouver un job après avoir... » Donc, à ce moment-là, il dit, on demande, on exige et on pousse les joueurs comme les instructeurs nationaux les poussent. Est-ce que vraiment, les joueurs, après avoir été éliminés, avoir joué 80 matchs, veulent s'en aller là puis se faire pousser? Moi, je suis loin d'être sûr que les joueurs veulent ça. Il y en a peut-être qui sont à se faire valoir ou qui vont devenir joueurs autonomes ou qui veulent se montrer auprès de certains directeurs gérants ou qui n'ont pas de contrat l'an prochain. Ont intérêt à faire ces choses-là. Mais ils n'ont pas tous le même intérêt. Price, lui, dans son cas, à lui, il a un contrat de 7 ans encore ou 8 ans encore. Ouais. Lui, au championnat du monde, il a gagné une médaille d'or, il a gagné la Coupe du monde. Pour lui, ça n'a pas la même importance qu'un jeune qui, lui, veut faire ses preuves et démontrer des choses. Donc, c'est un peu ça que Donald Beauchamp doit vivre tous les jours à Montréal. C'est d'ailleurs ce que on le voit, là. D'ailleurs, les équipes de la Ligue du Team Canada au championnat du monde, c'est toujours des jeunes. C'est maintenant rendu des jeunes. Oui. Et deuxièmement, j'écoutais un chroniqueur qui disait, à Toronto, là, les médias, là, c'est ce qu'ils ont? Ils ont les Blue Jays. Ils ont les Raptors. Ils ont l'équipe de la MLS. Ils ont les Maple Leafs. Ils ont 4-5 équipes professionnelles à s'occuper. À Montréal, t'as une équipe. Mettons qu'il y a le soccer également un petit peu, mais il y a une formation. Donc, tout est branché 12 mois par année sur le Canadien de Montréal. Moi, je peux comprendre Donald Beauchamp qui, après 25 ans, dit « Hey, j'en ai ras-le-bol, je suis tanné. » Et en plus, quand l'équipe ne connaît pas de succès, c'est 10 fois plus difficile pour un gars comme ça. Tu ne peux pas inventer des histoires. Il y a les joueurs qui viennent. Honnêtement, là, Danny, quand je regarde, moi, Claude Julien, après chaque match, venir donner un point de presse, quand son équipe n'a plus rien à gagner, Ça fait long. Ça fait très, très long. Toujours les mêmes questions, puis il faut qu'il réponde, là. Ouais. Tu veux qu'il dise, quand ses joueurs... Tu sais, il va dire, il se traîne les pieds. Regarde, oui. Il va y coacher l'an prochain. Deux, là, les gars, tout ce qu'ils pensent actuellement, c'est de jouer les 5 derniers matchs, pas se faire blesser, puis de... Tu sais, À ce moment-là, les seuls qui ont quelque chose à gagner, c'est les gars qui viennent du club ferme, qui veulent démontrer à Bert Bergevin puis à l'autre qu'ils peuvent performer, qu'ils peuvent progresser. Mais honnêtement, c'est très long. Je veux dire, ils n'ont rien à dire. Donald Beauchamp doit vivre avec ça, puis dire à Claude Julien, t'as pas le choix, là. Mm. On a 20 minutes à faire ou 15 minutes à faire. Il faut que tu répondes. Tu peux pas faire comme John Tortorella, puis qui est à Columbus, puis avoir promené le journaliste, parce qu'il y en a un journaliste. Ou deux maximum. Ouais, à Montréal, il y en a 18 qui sont devant lui. Oui, effectivement. Il faut qu'ils répondent aux gens. Ouais. Ça, il n'y a pas de doute. Donc, ça devient de plus en plus difficile. J'ai hâte de voir qui va le remplacer. Ben, ça devrait être Seigneur, peut-être. C'est François Seigneur. Son adjoint, c'est-tu. C'est qui? C'est François Seigneur, je pense, qui s'appelle? Non, c'est François Seigneur, je pense qu'il est au-dessus de Donald Beauchamp. OK, OK. Donc, je sais que c'est peut-être son adjoint. On sait pas, on va le voir dans les prochaines semaines, sauf que ça doit être une job quand même assez. Oui. Comme moi, à Montréal, ça prend quelqu'un qui parle les deux langues parfaitement, là. Ouais. Tu peux pas arriver là avec un unilingue anglophone qui a de la misère à parler français, là. Non, effectivement. Puis deux, là, même si t'arrives avec un anglophone qui parle les deux langues parfaitement, il va être porté à critique, là. Tu sais, puis là, les journalistes, déjà, ils évaluent en disant, ouais, mais tout est l'aspect hockey. J'apprenais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vrai, que Marc Bergevin a son propre attaché pour les médias. Quelqu'un qui le conseille, quelqu'un qui lui guide pour faire ses affaires, ses points de presse. Pas Donald Beauchamp qui fait ça. Il a son propre agent personnel qui va l'aider. Tu sais, si c'est vrai, peut-être que Donald Beauchamp se sent un peu lésé là-dedans, de dire, moi là, il n'y a pas assez confiance en moi, il s'est engagé quelqu'un qui, lui, va travailler puis va l'aider. C'est un peu tout ça, là, quand tu regardes. Moi, je comprends Donald Beauchamp après 25 ans de dire hey, j'en ai supplé mon casque, moi, là. Effectivement. Je vais trouver d'autres mots pour avoir. Puis je ne serai pas pogné comme ça, là. Puis je ne serai pas sous la loupe tout le temps, puis être facile à critiquer, là. Oui, oui. Phil, bon congé, Pascal. On se reparle vendredi prochain. Merci. Au revoir. Commentaire de Philippe.